ces sanctions que la CEDEAO a inexplicablement, de façon difficilement justifiable, a imposées à un pays simplement parce que une puissance étrangère, la France pour ne pas la nommer, leur a prescrit de le faire. Et ça, c'est vraiment révoltant, c'est malheureux et j'espère que l'histoire retiendra que les dirigeants actuels de la CEDEAO ont déclaré à la face du monde qu'ils ne sont pas des dirigeants de pays souverains, mais même pas des pays suzerains, mais des pays colonisés auxquels on prescrit tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment malheureux que nous en soyons là. Afrique Média, le monde, c'est nous.